أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا نتكلم عن الصيام، قلنا يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم مكلف، يعني من البلوغ يصير فرض. Donc on a parlé du jeûne, on a dit que le jeûne c'est obligatoire pour la personne responsable, dès qu'elle devient pubère, c'est obligatoire. الذي يترك الصيام كسلا يكون مسلم عاصي، والذي ينكره يكون خارج من الإسلام. Donc celui qui délaisse le jeûne par paresse, donc c'est un musulman désobéissant. Mais celui qui renie le jeûne, même par plaisanterie, il sort de l'islam, il n'est plus musulman. Quand on dit il sort de l'islam, ça y est, il n'est plus musulman du tout. Quelqu'un qui renie l'obligation du jeûne, de la prière. Comment il revient à l'islam? Par les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Mohammed est le messager de Dieu. Le kafir, le kafir, لا يقول له صم. بعض الناس يقول لك هاو ان تلقى واحد يخالف المسلمين يقولوا له يصوم معنا جرب. لا يصح منه الصيام الكافر، لكن فرض عليه ان يسلم ويصوم. لكن لو صام من غير اسلام، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Donc c'est obligatoire pour le musulman. Bien sûr, un non-musulman, on ne dit pas jeûne. C'est pas valable. Parce que des fois, il y a des gens qui disent ah, ben tiens, essaye avec nous le jeûne. C'est pas valable le jeûne. Mais c'est un devoir sur lui de se convertir et de jeûner. C'est un devoir. C'est-à-dire. Comme on l'a dit, on l'a expliqué bien l'autre fois, qu'on ne peut pas lui donner à manger pendant la journée, même un non-musulman. Parce que ça reste un devoir de se convertir et de jeûner. Wajib ali ya'ni yuslim wa yasum. Fala yajouz an yu'ta ya'ta al-akl fi nahar ramadan. Lanu yihasib an al-siyam. Donc il va rendre des comptes sur toutes les autres choses. من الأدلة قوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هو مشرك ويحاسب على الزكاة لأنه كان فرض عليه المسلم يعطي الزكاة. السلام عليكم. السلام. مرحبا بك. صاحبك وين عليك؟ شاب. إذن لا. On a dit parmi les preuves que le mécréant, le non-musulman, va rendre des comptes sur les autres obligations, parce qu'il lui il doit se convertir et faire les autres obligations. Il y a un verset, il y a plusieurs. Il y a un, on a cité ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. Dans ce verset, Dieu nous apprend. Signifie le verset que donc malheur le grand châtiment pour les mécréants et qu'ils ne donnent pas la zakette. C'est-à-dire ils vont rendre des comptes, ils ne sont pas musulmans, ils vont rendre des comptes sur le fait de donner la zakette, la prière, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils se convertissent, qu'ils fassent la zakat, le jeûne, ils évitent les autres péchés, etc. Donc ça, c'est important de savoir. Parce qu'on l'a répété plusieurs fois, et des gens, ils croient que un mécréant, tu peux lui donner le porc, l'alcool, ou le donner à manger pendant la journée, tout ça, ils croient que c'est normal. Alors que non. Le verset, c'est une preuve. C'est pour ça que c'est important, les preuves. « Waylun al-mushrikina alladhina la yu'tuna az-zakat » هذا دليل أن الكافر بشي تحاسب هو كافر وسئل عن الزكاة وين المشركين الذين يأكلون الزكاة donc il est cité clairement dans ce verset qu'il est mécréant mushrik et qui va rendre des comptes sur la zakat. C'est un exemple, ça veut dire tous les autres sujets, zakat, jeûne, prière. فلا يعطى الأكل في نهار رمضان الكافر وما لا يجوز إعانته على شرب الخمر وإلى غير ذلك. ويوجد آيات أخرى منها يدخل فيرسي كنا سيتي قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Donc il y a un autre verset aussi clair qui montre que les mécréants vont rendre des comptes sur la prière. Donc tout ça, ça montre qu'il va rendre des comptes sur toutes ces obligations-là, parce que se convertir pour lui, c'était une obligation. Conversion est une obligation. يكون ناجي يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أي سليم من كفر وشرك. الناس عاونتهم على الحرام الذين أعنتهم على الحرام لا ينفعونك يوم القيامة لا يمنعون من عنك عذاب الله. Donc les gens que tu pourrais aider pour les péchés, pour ce que Dieu a interdit, ne pourraient pas être utiles dans l'au-delà, dans la tombe. Tu seras seul dans la tombe. Ils ne vont pas empêcher de toi le châtiment de Dieu. Il faut se dire ça. Donc il ne faut pas aider. Le Rasoul alayhi salatu wa sallam a dit « La ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyati al-khaliq. »« La ta'ata li makhlouq fi ma'asiyati al-khaliq. » Wadih. Donc le prophète il a dit « On n'obéit pas une créature pour désobéir au créateur. » On n'obéit pas une créature pour désobéir au créateur. من أعطاك نعمة الوجود والسمع والبصر وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الذكرى هذه تجعل الإنسان عنده الخوف. الله ذي القرآن وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. C'est-à-dire il vous a accordé l'ouïe, la vue. Le cœur peut vous remercier. Et il dit dans le Coran, « وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا » C'est-à-dire, si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Les bienfaits que Dieu a accordés sont nombreux. Donc la personne doit remercier Dieu avant tout. Il se rappelait des bienfaits, et le rappel fait que la personne a la plus de crainte de Dieu. C'est le rappel qui fait que la personne a la crainte. Donc la personne doit se préparer pour la tombe. Ça, c'est important. Il profitait de Ramadan pour s'améliorer. Les gens avant, ils profitaient de Ramadan pour s'améliorer. Un seul, il y a une fois de Ramadan, dans lequel سير يعني يتخرجون علماء قبل في فرصة رمضان. عبد الله بن عباس بن عم النبي كان يخرج الفقهاء في رمضان، يعني تدرسهم في رمضان يتخرجهم فقهاء. Le cousin du prophète Abdullah ibn Abbas, pendant Ramadan, il y en a, il est formé, il devenait savant, juste pendant le mois. L'insan est très bien pour le Ramadan, à la chine de Kouhé, à la chine de Kouhé, à la chine de Kouhé. Ramadan, Kabira. L'insan est très bien pour le Kabira, il est très bien pour le Hassanat. C'est important, parce que quelqu'un il va donner manger pendant Ramadan, il tombe dans le grand péché. Quelqu'un n'a pas besoin des grands péchés, il a besoin des hasanats pendant Ramadan. Ou illa, qulna, idha akala, ou le fajr dakhala, kadaika, ra'ayna, ahamit ma'if le fajr, wakulu washrabu, حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فجر إلى الليل وغروب الشمس علامة على دخول الليل، لابد يعرفهم هذا. بعض الناس ما عندهاش أهمية، شوف ورقة بتاع الجزار هذه ما يكفيش، هذا ورقة بتاع الجزار ما يكفيش. دونك Allah nous apprend dans le Coran ce qui signifie vous est autorisé de manger et de boire jusqu'à ce que vous apparaisse la clarté de l'aube dans l'obscurité de la nuit. Le fil de l'aube, c'est-à-dire c'est fin. Ensuite, poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit, jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire qu'il faut connaître bien ces signes-là. Il y a des gens qui ne connaissent même pas ces signes-là, ils ne savent même pas expliquer comment ça se passe. Juste, ils se fient à une feuille donnée par le boucher. Une grande adoration comme le jeûne, tu te fies juste à une feuille de boucher ou la radio, ça ne suffit pas. C'est pas un simple régime, c'est une adoration le jeûne. Donc il ne suffit pas de se faire un simple papier pour connaître. Le problème que les gens ne connaissent pas la géographie ou la din. Ils ne connaissent pas la dunya ou la din. Problème, beaucoup de gens ne connaissent ni les sciences mondaines, ni les sciences religieuses, ni l'astronomie, ni ni la religion pour connaître ces phénomènes d'aube, coucher du soleil, bien. Ils suivent comme ça. Enfin, la chose la plus connue, c'est que quand tu es sur le nord, le jour est plus long. Parmi les choses connues, plus tu montes vers le nord, plus vers juin, la journée elle devient très longue et la nuit très courte. Très, très courte, jusqu'à arriver à un point, il n'y a pas la nuit, n'est-ce pas? Il y a des endroits, Sud-Est et tout ça, il y a des moments de l'année, il n'y a pas la nuit. Ces phénomènes-là, c'est important de savoir, surtout là où tu habites au moins, là, la région où tu vas jeûner. Fibaris. يعني هناك أيام لا يبقى فيها الفجر، لا يغيب في أيام في جوان، لا يغيب باريز عالية تتسمى في جهة الشمال. Il y a des jours Paris tellement c'est dans le nord Paris il y a des jours l'aube elle reste, elle ne disparaît pas. Ça s'appelle nuit blanche, ça veut dire l'aube elle reste. Donc il faut savoir comment faire. À Paris, il y a donc, ce qu'on appelle nuit blanche, vers juin, vers le vin et tout ça, autour du vin, quelques jours avant, quelques jours après. Donc il ne suffit pas de suivre des, comme ça des papiers avec des mots. Ça, mais là, tu as fait ça, tu as fait ça. On a qu'à. ليالي في جوان في شهر جوان نحو العشرين هكذا الفجر لا يغيب. لابد يعرف كيف الإنسان، هذه عبادة. حتى تتبع نفقات، مش مجرد ورقة متعجزة. Si on veut suivre des gens, c'est des gens dignes de confiance, qui savent expliquer, qui savent, ils comprennent ces choses-là. Ce n'est pas des gens, hop, l'imprimeur, il a envoyé des papiers, on suit le papier qu'il a imprimé, l'imprimeur. C'est ce qu'ils font dans beaucoup de mosquées. On suit comme ça. Et là, alhamdoulilah, nous avons sorti et nous avons vu le fajr. Donc nous, on est parti observer, on a envoyé plusieurs gens observer pour l'aube. Quand est-ce qu'elle rentre? Elle rentre très tôt dans juin. Si tu veux avoir une journée normale, il faut aller dans le sud. C'est permis. Pas dans le sud. Bien sûr, il y a des jours adiés, il y a des jours جنوب فرنسا في أشياء عادي يبشي يبقى لهنا خاصة تبع البقعة اللي هو فيها لأنه الشمس ما تقدرش تتحكم فيها أما تقدر تتحكم في نفسك يمشي لهنا نرجع أما الشمس ما تقدر لهاش قول يستدني لهنا بي donc tu peux changer toi-même de lieu tu peux pas imposer quelque chose au soleil tu peux pas dire au soleil fais un petit frein change par-ci toi-même tu peux changer tu dis ah, ok je vais aller au sud et la journée est plus courte. هذا مهم الإنسان يعرف كثير ناس مشكلتهم هو الأكل فكر في البطن متعود أكل لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم يأتي أناس قال خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أناس يكثر فيهم يفشو فيهم كذب ويكثر فيهم السمن هيك قال الرسول يفشو فيهم كذب ويكثر فيهم السمن وهذه المشكلة كثير ناس يقولوا مش ناكل ف donc, comme il a dit le prophète, il a dit, le meilleur des siècles, c'est mon siècle, ensuite ceux qui viendront après eux, ensuite ceux qui viendront après eux, ensuite il y aura des gens, ça sera propagé parmi eux, le mensonge, et il y aura beaucoup de surpoids parmi eux, beaucoup de surpoids. Les gens, ils disent, ah non, je veux manger, ils pensent au manger, ils ne respectent pas les parties de la journée. Là où il habite. Où il y en a, ils comparent ici avec le bled. C'est pas pareil. La longueur de la journée au bled, c'est vers le sud. C'est pas pareil qu'ici. C'est pas comparé. C'est qu'il y a un peu de bled. Mais c'est qu'il y a. Donc il y a des gens. Comme la qibla. Il dit, ah, c'est là où se lève le soleil. C'est tous les jours le soleil change de position. قبل ليس دائما في تشرق الشمس لأن الشمس تشرق كل يوم في تتغير أنت حتى في الدار تشوف في الشباك تبدأ لهنا وبعد تحول لهنا كل يوم على حسب الشتاء والصيف. في الشتاء تهبط الجنوب وفي الصيف تطلع الفوق الشمس تغير القبلة ما تتغيرش. صليش في الشتاء هك وفي الصيف في الشتاء هك وفي الصيف هك ما تجيش قبلة واحدة. إذن القبلة ليس بين تطلع الشمس قبلة جنوب شرقي جنوب بين الجنوب والشرق في فرنسا. في البلاد تميل أكثر للشرق كل ما تهبط الجنوب تميل أكثر للشرق. دونك القبلة par exemple c'est sud-est c'est pas là où se lève le soleil. Sud-est en France, au bled, tu fais plus vers l'est. Plus tu descends vers le sud, plus tu tombes vers l'est. Donc pour se diriger comme ça, si tu es là, tu te diriges comme ça. Si tu es là, tu vas te diriger comme ça. Et si tu es là, tu vas te diriger comme ça. Donc la Kaaba, donc admettons la France, la Mecque, tu fais sud-est. Plus tu descends, plus tu ouvres l'angle vers l'est. Et donc, la nuit devient courte quand tu vas vers le nord. Donc, c'est ce qu'on distribue là, les papiers. On a vérifié. Et c'est la précaution. يعني في احتياط وموافقة للواقع قريبة كثير للواقع c'est très proche de la réalité. Donc Donc c'est pas comme ça qu'on a mis. On peut expliquer ce qu'on a mis. C'est pas comme beaucoup, ils donnent des papiers, ils savent pas les expliquer. Tu dis, ah, c'est comme ça. Mais on peut expliquer, détailler ce qu'on a mis, parce qu'on a vérifié. يعني هذه الأوراق اللي حطيناها أوقات الصيام هذه نحن أكدنا قريبة للواقع مش هيك كيف بعض الناس يعطيه الأوراق ما يقدرش يشرحها يعني لابد الإنسان يتأكد الفجر ما تخلش وبش يفطر يتأكد غربة الشمس صحيح النهار يكون طويل الإنسان يصبر إنسان يصبر طبعا إذا إنسان مريض لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا إنسان مش مريض يصبر ليس مجرد شهوة الأكل إنسان يفطر يأكل ودخل الفجر أو يفطر ولم يتأكد من الغروب الأهون أسهل إنسان يصبر في طاعة الله يصبر في طاعة الله أهون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.